La tragédie de 1940, l'empire colonial, levier de la France libre. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. C'est une émission où on va apprendre que s'il y a eu, disons, 55 000 soldats de la France libre, les deux tiers étaient des soldats coloniaux, on aurait dit, des soldats indigènes. Notre invitée, Christine Lévis-Touzet, bonjour. Bonjour, monsieur Lebrun. Bonjour, madame Lévis-Touzet, madame la présidente du conseil scientifique du musée de l'Ordre de la Libération qui consacre une exposition à la parole rebelle. Et Christine Lévis-Touzet, en matière de parole rebelle, vous êtes spécialiste puisque vous connaissez par cœur le général Leclerc, vous avez publié sur lui et vous préparez un gros livre, Les écrits de guerre, de Philippe Leclerc de Haute-Cloque. Alors, juste une petite question. Julien Toureille, je ne veux pas l'oublier. Ah, bah non, parce que vous êtes. Vous êtes membre d'une équipe, vous êtes un collectif qui gagne. Alors, Christine Lévis-Touzet, juste un mot sur les questions de vocabulaire auxquelles on est très attentif aujourd'hui. Le mot empire, on l'a un peu oublié, on l'utilisait en même temps que le mot colonie. Et est-ce qu'on l'utilisait, je parle de l'avant-guerre, le mot outre-mer comme aujourd'hui? Oui. Alors, une date, l'école coloniale change de nom en 1934 pour s'appeler l'école de l'outre-mer. Et on emploie indifféremment l'Empire ou la France d'outre-mer. C'est déjà dans le vocabulaire, même si ce n'est pas très répandu. Mais enfin, c'est déjà à l'époque dans le vocabulaire, dans la sémantique. Et le mot colonie, on l'employait indifféremment, d'ailleurs peut-être, dans aussi, la France libre, oui, il y a un commissaire aux colonies, de même qu'il y a un ministre des colonies à Vichy. Avant-guerre. On passe au ministre de l'Outre-mer, sous le gouvernement provisoire, en 1944. Alors commençons en évoquant le ministre des colonies de 1939-1940. Dans le gouvernement Reynaud de mars 40, Reynaud avait été ministre des colonies au moment de l'exposition coloniale. Dans le gouvernement Reynaud de mars 40, c'est Georges Mandel dont voici, c'est très rare, les exemples de la voix de Georges Mandel, un extrait de message qui date du début donc de 1940. Monsieur Georges Mandel, ministre des colonies, a déclaré, parlant de nos possessions, un élan unanime. Les colonies apportent une coopération enthousiaste à la France en guerre. Sa guerre est la leur. Une guerre sainte pour la liberté, pour la dignité, pour le respect de la personne humaine. Et en vue d'en rater l'issue, elles envoient la métropole avec d'importants dons en argent, toutes les matières premières, tous les produits alimentaires dont elles n'ont pas absolument besoin. Elles lui offrent plus d'hommes qu'on a été en mesure d'en prendre jusqu'ici. Que peut-il dès lors encore manquer pour vaincre, je vous le demande. Dans tout autre pays que le nôtre, l'on dirait sans doute que ce n'est plus qu'une question de volonté. Mais la France, elle, la France de Richelieu, de Danton et de Clémenceau, a toujours su vouloir. C'est drôle d'entendre évoquer le nom de Clémenceau, mais Mandel ayant été le bras droit de Clémenceau, il ne pouvait pas ne pas le citer, alors que Clémenceau n'était pas un parangon du colonialisme. Alors, les colonies, dans l'esprit du gouvernement français, l'époque où on disait « nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts » et on présentait une carte du monde où l'Empire britannique plus l'Empire français, ça représentait en surface et en population infiniment plus que la petite Allemagne. Ah ben, bien sûr. Bien sûr, il faut rappeler que l'outre-mer français et c'est fait de la France la deuxième puissance coloniale en 1939, hein, largement dominée par l'Empire britannique hein, qui a une surface extraordinairement importante hein, et de loin devant la France. J'ajoute une précision, Georges Mandel est ministre des colonies du printemps 1938 à mai 1941, après quoi Paul Reynaud le fait ministre de l'Intérieur, voilà. Symboliquement, et on sait pourquoi, hein, faisant référence au chef de cabinet de Georges Clemenceau. Il a fait beaucoup dans le domaine colonial, Georges Mandel ? Georges Mandel, outre les nominations, il y a la nomination de Félix Séboué, un gouverneur noir à la tête du Tchad, c'est important. Il a créé un service de renseignement des colonies, puis un état-major général des colonies. Alors, même si 1938, c'est tardif, et qu'au fond, le général Bureur, qui est inspecteur au sein de cet état-major général des colonies, a peu le temps d'œuvrer. Mais dans le discours de Georges Mandel que nous avons entendu, au fond, la pensée majoritaire en France, c'est que l'outre-mer, ce sont les hommes, les matières premières, qu'il faut rappeler que la France assure plus du tiers de ses échanges avec l'outre-mer. Et puis il y a les hommes. Et vous savez bien la carence aux classes creuses et ce que représente l'apport. Alors, sans multiplier les chiffres, si vous voulez, il faut savoir que l'armée française mobilise 640 000 coloniaux et nord-africains. Ce qui est colossal, quand même. Alors, il faudra, Christine Lévy-Stouzet, une fois la métropole perdue, recommencer quelque part, dit le général de Gaulle. Alors, l'idée, pour lui, comme pour d'autres, était de défendre l'Afrique du Nord jusqu'au bout, même si la métropole est envahie. C'est une hypothèse qui a été caressée longtemps, insuffisamment préparée. Mais le général Noguès, gouverneur général du Maroc, chef militaire pour l'Afrique du Nord, eh ben, il se disait, au moins au départ, déterminé à ne pas accepter l'armistice. Christine Lévy-Stouzet. C'est exact. Alors, le général Noguès est résident général au Maroc depuis 1936, hein, nommé par le gouvernement de Front Populaire en septembre 1936. C'était un officier général extraordinairement compétent pour sa connaissance du Maroc, où il a fait l'essentiel de sa carrière, et puis qui a été nommé en 1938, commandant en chef du théâtre d'opération Afrique du Nord, lequel a été créé en 1930 pour tenir compte de l'importance stratégique de l'Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. Et c'est tellement vrai que le général de Gaulle, et on l'oublie trop souvent après l'appel, le général Noguès est général d'armée, le général de Gaulle 2 étoiles, et à titre temporaire, le général de Gaulle lui envoie 2 télégrammes les 19 et 24 juin 1940 pour se mettre sous ses ordres si le général Noguès décide de poursuivre la guerre. Et c'est vrai que du 17 juin jusqu'à la connaissance des conditions, des conventions d'armistice avec l'Allemagne et avec l'Italie, le général Noguès incarne tous les espoirs de l'Empire, aussi bien du Moyen-Orient que de l'Afrique noire. Et il tous ces télégrammes l'attestent et sont conservés au service historique de la défense, montrent qu'il a envie de poursuivre la lutte. Enfin, c'est ce qu'il donne, la poursuite de la lutte. Est-ce qu'il veut sauver l'honneur au regard des populations ? Ça n'est pas impensable. Il veut sans doute éviter une insurrection comme il y a eu l'insurrection kabyle en 1871. C'est probable, mais une fois les conventions d'armistice connues et signées, il demeure légaliste. J'ajoute qu'il censure l'appel du général de Gaulle dans la presse Afrique du Nord, dans la presse en Algérie. Alors, vous vous interrogez beaucoup sur ses motivations dans un livre que vous avez consacré à l'Afrique du Nord pendant la guerre, c'est aux éditions Fayard. Vous dites que l'Afrique du Nord n'était pas si prête que cela. Albin Michel, il manquait d'industrie, il manquait de main-d'œuvre spécialisée, les ports avaient une faible capacité, mais vous insistez sur le fait que la préoccupation numéro un, c'est qu'est-ce que les indigènes vont penser. Si on se soumet trop vite, ils ne vont plus nous faire confiance. Et si on commence à résister, on va leur donner des idées d'indépendance. Christine Lévy-Stouzet. Alors, le général Noguès ne va pas jusque-là. Hein. C'est la publication à laquelle vous faites référence, c'est mon doctorat d'État. J'ai passé beaucoup de temps. Après toute cette période d'études, je dois vous dire qu'on est perplexe. Indéniablement, dans l'idée du général Noguès, qui est un général républicain, pas du tout Révolution nationale. Il n'adhérera jamais aux idées de la Révolution nationale. Du reste, il s'est distingué en faisant fuir des anti-nazis vers la Mauritanie, etc. tout en protégeant également des familles juives. Au-delà de ça, préserver l'image de la France, de la souveraineté française à l'égard des populations protégées pour le Maroc et la Tunisie, puisque vous savez que les statuts sont différents, sont deux protectorats, alors que l'Algérie, c'est un territoire français avec trois départements français. Mais en tous les cas, montrer que la France, jusqu'au bout, se bat. Un baroud d'honneur, d'autant que dès septembre 1939, au fond, aussi bien le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, qui a fait lire dans les mosquées une lettre de soutien à la France, à la puissance protectrice, que le Bey ne s'insurge pas contre la puissance protectrice. Donc il y a sauver l'honneur. Alors je vous arrête là, Christine Lévis-Touzet, et je repose la question que se posait sans cesse le général de Gaulle. Il va falloir bien commencer quelque part, puisqu'on ne peut pas commencer en Afrique du Nord. Est-ce que ce ne serait pas, mais oui, dans le Pacifique ? Kila kila hale hakala, e wahi ki o ke laha manu, a e o hawai ila, kila kila o hale hakala, on te puse, on te pali, mai matahoki uke o mai darling, a e o hawai ila, kila kila o hale hakala. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. C'est avec fierté que je m'adresse aux populations françaises et indigènes du Pacifique, au nom de tous les Français libres. Des nouvelles hébrides est parti le signal du redressement de l'Empire français. Et tout le monde a connu l'admirable élan patriotique qui a reporté dans la guerre la Nouvelle-Calédonie et les établissements français d'Océanie. Nous savons aujourd'hui que sous l'impulsion de leur chef, les colonies françaises du Pacifique mettent sur pied de vastes ressources et des hommes dont on entendra parler. Et oui, on étonnerait beaucoup les Français aujourd'hui si on leur expliquait longuement que la France libre a commencé dans l'actuel Vanuatu et puis aussi en Nouvelle-Calédonie et enfin... Et tout ça, dès l'été 1940, à Tahiti. Alors, il y a une explication qui tient très simplement à l'emboîtement de l'Empire britannique et de l'Empire français, les Nouvelles Hébrides. C'est un condominium entre la France et l'Angleterre. Et il est difficile pour le gouverneur, il s'appelle Soto, de choisir autre chose que le ralliement aux alliés anglais qui sont là partout, aux Nouvelles Hébrides et aussi bien aux Fidji. On pourrait dire la même chose d'ailleurs des comptoirs français de l'Inde, les comptoirs français de l'Inde où les Anglais expliquent au gouverneur Bonvin qui hésite, bah écoutez, si vous ne ralliez pas la cause alliée, on interrompt le commerce avec vous. Comme a été interrompue la ligne avec notre invitée Christine Lévis-Touzet, mais elle est juste rétablie pour que vous puissiez, Christine Lévis-Touzet, nous parler de la situation, non pas aux Nouvelles Hébrides, non pas dans les comptoirs de l'Inde, non pas en Nouvelle-Calédonie, mais à Tahiti. Et Tahiti, c'est intéressant parce qu'il y a eu un référendum, Christine Lévis-Touzet. Oui, c'est exact. C'est un peu exceptionnel, il faut bien le dire. Alors, à l'initiative de quelques personnalités qui appartiennent à un comité de soutien au général de Gaulle et qui, tout de suite, veulent poursuivre la lutte et contestent l'autorité du gouverneur général. Et alors, sous l'influence d'un médecin administrateur, Émile de Curton, un directeur de l'école protestante, le maire de Papette, et puis aussi, un ancien chef coutumier de la Première Guerre mondiale organise un référendum. Alors, un référendum qui est un registre ouvert à la mairie de Papette et où les gens sont invités à signer et choisir entre deux colonnes pour le général de Gaulle ou pour le gouverneur général de Tahiti, Jean Chastenay de Géry, représentant du gouvernement du maréchal Pétain. Alors, les résultats, 5564 voix pour le général de Gaulle et 18 contre. Oui, mais attendez, il y a quand même beaucoup plus d'habitants que ça, dans ce qui constitue les établissements français d'Océanique. Et les indigènes, comme on disait, alors, comme on dit encore aujourd'hui. Eux, ils ne sont pas exclus, mais très peu. Je vous ai cité un ancien de la Première Guerre mondiale, mais peu. Alors, le côté démocratique, je vous laisse l'apprécier, compte tenu des circonstances exceptionnelles. Mais enfin, il y a quand même une infime participation, j'allais dire, des autochtones de Tahiti. Au crédit de la France libre, outre le fait d'avoir organisé un référendum, il y a le fait qu'à chaque fois qu'un territoire se rallie, ceux qui veulent rester fidèles à Vichy eh ben, sont renvoyés vers un pays tiers, alors un certain nombre de fonctionnaires et d'officiers de la Nouvelle-Polynésie vont ainsi rejoindre le Canada et du Canada la France. C'est quand même un peu loin pour commencer le Pacifique Sud. Il y a, un peu moins éloigné, l'Afrique centrale. On parlait de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Vous citiez le nom de Félix Eboué, qui avait été nommé gouverneur du Tchad par Georges Mandel, et qui, sensible aux discriminations que pourrait imposer le racisme nazi, sensible aussi au fait que le Tchad n'est pas loin de la Libye italienne, décide très vite du ralliement à la France libre. Vous allez entendre M. Eboué, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Au seuil du sinistre épée de 1940, ce qui nous a révoltés ensemble, ce qu'ensemble nous devions répudier quelques semaines plus tard, c'était à la fois l'injure faite à l'alliance anglaise et l'acceptation de la défaite. À Fort-Lamy comme à Brazzaville, à Bangui ou à Libreville, partout, nous avons désavoué un gouvernement qui effaçait sa signature en bas d'un pacte d'alliance pour laisser le compagnon de lutte seul en face de sa mauvaise chance. Et nous avons rejoint l'Angleterre par notre exemple. L'Angleterre a su que la France ne l'avait pas quittée, la quitterait pas, et que là où la volonté de la France pouvait encore s'exprimer avec liberté, spontanément, les Français proclamaient leur respect à la parole donnée, leur attachement à une amitié solennelle. Que cette loyauté vis-à-vis de l'Alliance anglaise se soit exprimée en Afrique, au cœur de l'Empire, là où l'ancienne rivalité coloniale avait enduré, c'est sans doute un signe. Nous montrions bien qu'aucun prétexte ne pouvait altérer chez nous le sens des contrats et que ce n'est pas une raison parce qu'on s'est autrefois affronté pour discuter aujourd'hui un pacte nouveau fondé sur la reconnaissance mutuelle et intégrale des deux empires. Cet enregistrement où Félix Eboué revient sur les événements de 40 dont il a été l'acteur principal semble dater de 1942. Christine Lévis-Touzé. Alors Félix Eboué est chose rare hein, avec sa femme Eugénie, entendent l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Félix Eboué dira ultérieurement que c'était la chose la plus émouvante à entendre, hein, un cri d'espérance, évidemment singulier, particulier. Alors la difficulté pour Félix Eboué, qui à la tête d'un territoire qui est concerné par les conventions d'armistice, et notamment la franco-italienne, qui prévoit une démilitarisation de la frontière tchado-libyenne, bien sûr, ne veut pas accepter les clauses de l'armistice. Il l'a fait savoir à Pierre Boisson, qui est le gouverneur général de l'AOF, et qui, pendant un temps, a aussi obédience sur l'AOF, et qui, avec le commandant supérieur des troupes, fait pression sur lui à la mi-juillet. Alors il a fait savoir au général de Gaulle, on n'imagine pas Félix Eboué, hein, pour les valeurs humanistes et républicaines, soutenir le maréchal Pétain, c'est hors de question pour lui. Alors il a fait savoir au général de Gaulle que sa ligne était conforme à l'honneur de la patrie. Et de Gaulle lui a télégraphié, et Félix Eboué lui a indiqué son intention de se rallier. Mais le ralliement doit s'opérer sans combat, et en douceur, et si son secrétaire général Laurenti le soutient beaucoup, il a des pressions multiples, à tel point que lui est dépêché, eh bien c'est la fameuse mission Sullivan, hein, René Pleven et le commandant Colonna d'Ornano pour devancer les pressions, je vais vite, hein, le 24 août, du gouvernement de Vichy qui envoie des émissaires en Afrique noire pour s'assurer la loyauté des territoires et que ces territoires restent dans la légalité. Alors c'est assez vite que l'exemple du Tchad va faire, comment dire, tache d'huile. Votre cher général Leclerc va ainsi opérer le ralliement du Cameroun, mais avec quoi ? 40 ou 50 hommes, des Noirs d'ailleurs. Ah ben c'est la fameuse, essentiellement, c'est toujours les forces africaines qui constituent les forces vives, mais avec des volontaires aussi européens. Donc le 26 août, ça fait tache d'huile, vous le dites à juste titre, hein, le Tchad proclame le ralliement à la France libre sous l'égide de Félix Séboué et Leclerc, eh bien cette fameuse expédition avec les 24 piroguiers où, si vous voulez, c'est s'appuyer sur, pour faire simple, un comité de soutien à la France libre sous l'égide du directeur des travaux publics Beauclerc, dans des circonstances rocambolesques avec une pirogue, et toutefois précédé d'une mission de reconnaissance d'été de Bolambert. Donc c'est un coup de maître, noyauter la ville de Douala, et proclame dès le lendemain le Cameroun libre, indépendant sur le plan économique et rallié à la France libre, libre au sens de France libre. Alors, c'est aussi un coup de bœuf, parce que pour tout dire, Yaoundé n'est pas encore allié. Il faut savoir aussi que Leclerc savait déjà que celui qui commandait le bataillon sur place, Diou, était favorable au ralliement. Alors, l'Armina, lui, va rallier le Congo-Brazzaville, avec l'appui de Léopoldville. Léopoldville, le Congo belge. Il faut quand même dire, Christine Lévis-Touzé, que les colonies belges et les colonies néerlandaises n'ont pas connu une tentation comme celle de Vichy et sont restées dans le camp des alliés. Lubangui-Chari aussi est rallié. Mais parfois, ceci ne se fait qu'au prix de combats fratricides. On ne va pas parler de ceux de Dakar, avec le général, le gouverneur général Boisson, mais insister plutôt sur ceux moins connus de Libreville et du Gabon. Christine Lévis-Touzé, on est maintenant pratiquement à l'automne 1940. Alors, oui, vous avez à juste titre raison de souligner le soutien, que ce soit des colonies britanniques, à Nigeria, etc., ou belges. Léopoldville et son gouverneur général Rickman jouent un rôle essentiel pour soutenir l'Armina, Cissé, et pour le ralliement du Congo. Alors, le Gabon. Le Gabon, il faut savoir qu'il y a un gouverneur général, Masson, qui a voulu rallier la France libre et qui en a été contré à la fois par l'évêque, à la fois par les Européens et qui a eu les pressions de l'amiral Platon, envoyé de Vichy. Et en octobre 1940, c'est Leclerc et Thierry d'Argentlieu qui convainquent le général de Gaulle, qui a un peu de vague à l'âme après l'échec du ralliement pacifique de l'AOF, ben de lancer une opération sur le Gabon. Alors, opération combinée, forces navales, aériennes et terrestres, et qui a quand même des pertes de l'ordre de 35 tués, dont une grande majorité d'indigènes, d'Africains. Les indigènes qui comprennent assez mal ces combats fratricides, d'ailleurs, entre les Français. De Brazzaville, le général de Gaulle va vouloir faire une capitale, et une capitale qui est plus celle de la France libre que Londres, peut-être. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que du fait du ralliement de l'Afrique noire, Brazzaville, qui était la capitale administrative de l'Afrique équatoriale française, est propulsée capitale de la France libre. Pourquoi ? Mais parce qu'il y prend des décisions importantes, hein. Trois jours après Montoire, cette fameuse ordonnance indiquant l'inconstitutionnalité de Vichy, il y crée le comité de défense de l'Empire avec les représentants des différentes des territoires alliés et puis aussi Georges Catroux et René Cassin. Et au-delà de ça, parce qu'il faut un comité de défense qui soit l'interlocuteur pour les opérations auprès des Britanniques, il faut une coordination. Et puis il crée aussi l'ordre de la libération le 16 novembre, hein, pour récompenser pour des faits exceptionnels ceux qui rallient. Et puis, on va encore entendre le général de Gaulle à la radio, il y crée Radio Brazzaville. Je me demande d'ailleurs si ce discours qui est daté d'août 1940 du général de Gaulle à destination de l'Afrique n'a pas été repris par lui, il n'aimait pourtant pas ce procédé, un peu plus tard avec les moyens techniques de Radio Brazzaville. Le général de Gaulle. La France est la France. Il y a en elle un ressort secret qui depuis toujours étonna le monde et qui n'a pas fini de l'étonner. La France écrasée, humiliée, livrée, commence à remonter la pente de l'abîme. Les Français du Tchad viennent d'en donner la preuve. Spontanément, ces hommes droits, ces hommes saints, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat. J'ai des raisons de penser que leur exemple sera suivi. J'ai des raisons de dire qu'ils se reforment une France combattante dont les forces vont croissant. J'ai des raisons de croire qu'il y a encore de l'honneur et de la gloire pour la France. Alors on a commencé avec des questions de vocabulaire, cette émission, Empire, France libre. Les Français du Tchad, droits, sains et braves, dont parle le général de Gaulle, ce sont des Noirs du Tchad qui ne sont peut-être pas tous volontaires, au même titre que les pêcheurs de l'île de Sein qu'on évoquait hier, Christine Lévis-Touzé. Oui, tout à fait. La France libre, et en Afrique, est aux deux tiers africaine. Il y a là des études très pertinentes là-dessus, dont celle d'Éric Génitz. Et c'est un fait. De la même façon que pèse sur l'Afrique française libre un effort de guerre économique et agricole important, bien sûr. C'est un fait. Tous ne sont pas volontaires, et loin de là. De même qu'il y a aussi le travail forcé pour mettre l'Afrique française libre sur le pied de guerre. Base de souveraineté et base d'opération, de reconquête et d'opération contre les forces italiennes, aussi bien en Érythrée qu'en Libye. Et base de reconquête, c'est une période totalement inédite. Et vivier de ressources aussi, l'or du Gabon, le caoutchouc du Congo, le pétrole qui commence au Gabon justement à être recherché. Le nickel de Nouvelle-Calédonie, tout ceci, les matières premières sont d'autant plus importantes que de facto, il faut voir les colonies qui sont restées légalistes, dont l'Indochine, grande productrice de caoutchouc. Donc c'est évidemment fondamental et que l'aspect effort de guerre économique et dans le cadre de l'effort de guerre est essentiel. Allez, on va terminer par une formule consensuelle, sans davantage discuter quelle était la part du colonialisme encore dans la France libre. On peut dire la France libre vient du Sud. Ça peut être une conclusion, Christine Lévis-Touzé. J'apprécie assez bien la formule de dire qu'il ne faut jamais oublier que le salut de la France et la libération de la France et de l'Europe est venu de l'Empire. Le salut de la France par l'outre-mer français. Merci à vous, au Musée de l'Ordre de la Libération, dont vous présidez le Conseil scientifique, l'exposition Parole de Rebelles, et puis bientôt aux Presses universitaires de Paris-Sorbonne, un livre écrit à quatre mains sur les écrits de guerre du général Leclerc. L'émission a été préparée par Ininka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, Martin Penet, Hélène Couyulgian à la réalisation. À distance pour la réalisation, Audrey Ripouille et Étienne Bertin et Alexandre Chenet pour la technique.